c'est à toi. Oui, je voulais parler un petit peu de la question comment rassembler les gens à ce mouvement, comment fédérer, solidariser. Donc je me suis dit que ça passait par la création d'un ensemble de symboles, donc on a déjà plusieurs. Il y a le groupe des sociolidaires, il y a même les cours alternatifs, tout ça, ça peut être des symboles qui font qu'on se sent à partir à ce mouvement-là. Et je pense qu'il faut continuer à développer un ensemble de symboles. Donc ça passe par la définition collective de couleurs qui peuvent représenter le mouvement, par exemple, de grands mots, de grandes phrases emblématiques qui nous représentent, derrière lesquelles on peut se rallier et se sentir une coalition d'universitaires, de précaires, d'étudiants, de professeurs. Ça passe aussi par une gestuelle ou éventuellement une danse qu'on pourrait tous ensemble faire pendant des mobilisations. Et plus ambitieux, et ça c'est peut-être un appel qui pourrait se faire avec le comité de mobilisation, l'organisation d'un concert solidaire de l'université en grève sur le campus, donc avec des animations musicales, une autre forme de mobilisation, autre que la manifestation, plus festive, mais qui ne peut s'organiser qu'avec la création d'un comité de mobilisation qui organise tout ça, parce que ça demande beaucoup d'organisation, à l'image de un événement qui va se faire bientôt, un événement engagé, le festival La Querencia, qui se développe et qui se rassemblera, qui se fera cet été, auquel je vous invite. L'objectif final, c'est de rassembler l'ensemble des universitaires sous une même bannière symbolique à laquelle chacun se sent appartenir.